Les chants et les prières volent mon punch. Exactement. Exactement. Mais je m'en plains pas. Je m'en plains pas parce que, en fait, ce matin, ma prière, Genèse 46 m'a donné du fil à retordre. J'en avais parlé un petit peu la semaine passée. Là, je lisais ça puis je me disais, wow. En fait, l'approche qu'on prend là, d'une lecture systématique, puis qu'à chaque semaine, on aborde un chapitre à la fois, je suis profondément convaincu que c'est la meilleure approche. Mais comme nos noms sont associés de façon assez aléatoire, ou disons, selon un mécanisme... selon un mécanisme, disons, de veto, hein, n'est-ce pas? Ben des fois, on attrape des passages qui sont moins confortables. Fait que c'est ça. J'ai eu quelques difficultés, mais en fait, ma prière, c'est que l'humble messager qui a eu de la difficulté ne transparaisse pas que Dieu, à travers son esprit, vienne vraiment vous rejoindre parce qu'il y a quelque chose, il y a un point, je pense, profond dans le passage de ce matin. Donc, puis d'ailleurs, les chants, quand on parle de la fidélité de Dieu dans les chants, en fait, ça fait partie du point fondamental que je veux, dont je veux vous parler, que je veux vous transmettre ou vous partager plutôt, en fait, ce matin. Puis on a préparé le terrain depuis 2 semaines. Landry, il y a 2 semaines, a parlé des fils de Jacob, donc dans Genèse 44, des fils de Jacob qui sont restaurés, hein, les fils de Jacob qui étaient aux prises avec un péché énorme, un crime littéralement d'avoir vendu leur frère. Ils étaient à quelque part divisés ou aux prises avec cette situation-là vraiment difficile. Landry a exposé le fait qu'il y a comme une restauration qui s'amorce chez les fils de Jacob. Et la semaine passée, Philippe, dans Genèse 45, parlait de donc la réconciliation. C'est le passage où Joseph se réconcilie à quelque part avec ses frères. Les frères reviennent à papa, Jacob, et là, lui annonce que Joseph est vivant. Puis là, ça ranime Jacob. Puis là, Philippe a empiété un petit peu sur Genèse 46, fait que ben, je vais me venger. Non, c'est pas... je vais empiéter un peu sur Genèse 45. Fait qu'on continue là-dedans. Fait que là, bon, pour ceux qui n'étaient pas là les 2 dernières semaines, là, gardons ça en tête, le contexte qui s'est construit avec tout ça. Mais avant de sauter dans le texte, parce qu'en fait, c'est la prochaine étape, mais j'aimerais ça vous lire. Je suis tombé sur un passage dans mes recherches, dans ma préparation, je suis tombé sur un passage dans Psaume que je trouvais fort à propos. Donc, Psaume 30. Puis en fait, on va le garder un doigt là, à Psaume 30, ou je ne sais pas, durant l'enseignement, parce que on va commencer, on va lire un petit bout, puis on va y revenir en conclusion. Donc, je suis à Psaume 30. Voilà. Fait qu'on va lire, on va commencer, on va lire, juste lire les versets 1, 2, 3, 4. Donc, je lis la parole de Dieu. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre, loin de ceux qui descendent dans la fosse. J'ai trouvé ce passage-là parce qu'en fait, je me suis attardé au mot « ranimé ». Donc, quand Jacob, son esprit est ranimé, je suis allé chercher « ranimé », c'est quoi le mot derrière ça en hébreu? J'ai comme creusé ce point-là. Pourquoi? Ben, on dirait que l'esprit dirigeait dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et en fait, c'est le même mot qui, ici, est décrit ou est traduit dans le mot français « revivre ». Donc, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est le même mot. En hébreu, c'est « kaya ». OK. Et en fait, ça veut dire vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir, survivre. Donc, il y a plusieurs angles à ce mot-là. Et en fait, ça fait même le pont sur ressusciter. Donc, préserver la vie, donner la vie, accélérer, raviver, sortir de la maladie, du découragement, de la faiblesse, ressusciter, revenir à la vie. Puis en fait, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher parce qu'en fait, ça donne le contexte au début du chapitre 46 de Genèse. Le même mot est utilisé pour décrire comment Jacob revit. Son esprit se ranime, il revit. Et donc, on va repartir à la fin de Genèse 45 pour donner le ton, donner le contexte au passage sur lequel j'ai envie de vous proposer là, de creuser ce matin. Donc, rappel, on est dans Genèse 46, donc depuis 46 semaines cette semaine. Livre écrit par Moïse, pas mal plus tard, donc clairement dicté par l'Esprit de Dieu, que Moïse ait tout ce détail, on s'entend que ça vient de sa relation étroite avec Dieu qui lui a dicté le livre de Genèse. Donc allons-y, sans plus tarder, dans le texte. Donc je vais juste prendre... Donc, on va partir, je vous le mets à l'écran, si vous n'avez pas vos Bibles. Ceci dit, je vais quand même lire dans la Bible directement, version Louis II. Et je vais commencer à 45-25. Ils remontèrent, ici on parle des frères, des frères de Joseph, des fils de Jacob. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore. » Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors, parce qu'en fait, ils arrivent avec plein de chars et de tout le matériel nécessaire pour ramener tout le monde en Égypte. Donc, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Donc, ce mot-là, « ranima », qui m'a permis de faire le pont avec le psaume que je vous lisais. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. » Point important ici, il dit, « C'est assez. » Qu'est-ce qui est assez? On va regarder ça. « J'irai et je le verrai avant que je meure. » Donc ensuite, on arrive dans le passage de Genèse 46. Jacob partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars de Pharaon, que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux, nombreux troupeaux, et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. » Je ferai une petite pause ici, puis je veux juste commenter, mettre en lumière certains points. Au début, Jacob est froid. Et lorsqu'il finalement réalise, non, c'est vrai, Joseph, mon fils que j'aime tant, est vivant, son esprit se ranime. Et là, il y a une cassure. Il dit, c'est assez. Il y a un changement de cap. Il y a quelque chose qui se passe. Et après, il parle à Dieu. Donc, Israël offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Puis ce qui est venu me chercher quand je lisais ce texte-là, c'est qu'au début, Jacob parlait au Dieu de son père, au Dieu de son père ou de son grand-père, donc Isaac et Abraham. Puis à un moment donné, il y avait eu un changement dans l'histoire quand on était plus loin, plus tôt dans Genèse. Jacob avait commencé à s'adresser à Dieu comme étant son Dieu et non pas le Dieu de son père. Là, intéressant, il s'adresse au Dieu de son père, comme si c'était créé une distance. Puis là, Dieu lui parle, mais il reprend à la base. « Je suis le Dieu de ton père, ne crains point là, de descendre en Égypte. » Puis il redit la même promesse qu'on a entendue combien de fois? Il redit « Je te ferai devenir une grande nation. » Encore une fois. Fait que c'est comme si il reprend Jacob à la base. Puis c'est vraiment ça qui m'a interpellé. Fait que tantôt, on va revenir à ça. Il y a une raison pour laquelle Dieu reprend Jacob à la base, pour laquelle il le rassure, pour laquelle il va prendre la peine de lui redire ces choses-là. Mais je veux quand même lire le passage au complet. Bon, fait qu'on va... On va faire une petite pause sur les éléments mis en lumière, puis on va continuer. Parce que quand même, il y a plusieurs éléments d'information qui sont super importants pour la suite dans Genèse 46. Je vais moins m'attarder à ça, mais c'est super important. En fait, il y a du détail. Parce que là, on voit là, que les chapitres sont brisés en petits morceaux, puis il y a beaucoup d'éléments de détail historiques, c'est super important. Donc, je continue au verset 7. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël. Et là, énumération. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Rouben, fils de Rouben, Enoch, Palu, Etsron et Carmi. Pardonnez-moi si je ne prononce pas bien, ce n'est pas facile. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Oad, Jakin, Tsokar et Sol, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Er Onan, Shéla, Peret, Zarak. Mais Er et Onan, donc deux autres fils, moururent au pays de Canaan. Les fils de Peret furent Etsron et Amoul. Fils d'Issacar, Tola, Pouva, Job et Shimron, fils de Zabulon, Séred, Elon et Jalil, ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram avec ses filles Dina, sa fille Dina, ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Puis en fait, j'attire votre attention ici, je vous l'ai mis en gras, on a tous les fils de Jacob qui ont, eux, des fils aussi, rendus là, son papa. Mais je vous l'ai mis en gras à l'écran, donc les fils de Jacob. Puis j'ai surligné, parce qu'en fait, ils ne sont pas en ordre chronologique, ils sont en ordre de maman. Ils sont en ordre de les femmes de Jacob. Fait que Léa, Zilpa, Rachel et Bila. Fait que la structure est un petit peu différente. Des fois, on ne s'y retrouve pas parce qu'ils ne sont pas nés dans cet ordre-là. Bon, ceci dit... Je continue, donc après les fils de Léa, donc 33 personnes, je suis au verset 16. Fils de Gad, Tifjon, Agi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi, Areeli. Fils d'Asser, Jimna, Jishva, Jishvi et Beria, et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malkiel, ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, là où ils s'en vont, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Roche, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Fils de Dan, Ushim, fils de Nephtali, Jatsil, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Donc, on a toute une énumération Puis intéressant, c'est qu'on avait déjà eu la généalogie de Ésaü, l'aîné de Isaac, donc le grand frère de Jacob. Mais on n'avait pas encore toute la postérité de Jacob. On l'a ici. Et puis en fait, ça nous donne une idée que il y en a des fils. Important pour la suite, quand ils vont s'installer à Goshen ou Goshen. Je poursuis avec le texte, donc verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était donc de 70. Parce que Joseph était déjà en Égypte. Donc, verset 28. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation? » Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Les Égyptiens, avec le Nil, étaient plus des cultivateurs que des bergers. Fait historique qu'on apprend à l'école, n'est-ce pas? Bref, dans cet élément-là, le point le plus important, puis Philippe en a parlé, l'a mentionné, mais ici, on a 70 personnes en tout en Égypte qui sont du peuple d'Israël, donc la descendance de Jacob que Dieu a appelé Israël, à qui Dieu a donné le nom Israël. Ils s'installent dans la région Goshen ou Goshen, tout ce groupe-là. Et 400 ans plus tard, c'est de cette même région-là que le peuple d'Israël quitte donc l'histoire de Moïse qu'on verra éventuellement dans Exode. Mais donc, ils sont dans la même région et ils quittent pour retourner au pays de Canaan. Et ils sont 600 000 hommes, de 70 à 600 000 en 400 ans. Bon, Philippe en a parlé, fait que je ne veux pas trop retourner là-dessus, mais en même temps, je me suis intéressé à la chose. J'ai comme fait des calculs, essayé de voir. Ça fait du monde, 600 000 hommes. En fait, dans Exode 12, 37, c'est 600 000 hommes de pied sans les enfants partent de la même région pour aller au pays de Canaan. Donc, c'est les hommes de pied, on ne compte pas les enfants. Ça veut dire que, puis on voit que certains des fils de Jacob ont déjà plusieurs fils, sans compter leurs filles. Et donc, ça, en faisant les calculs, là, en calculant le nombre de générations, etc., là, j'arrivais à quelque chose comme, tu sais, trois fils par couple, tu sais, successivement, là, parce que là, ils sont à peu près une soixantaine de fils et de fils de fils là, de Jacob dans l'histoire. Et donc, ça veut dire à peu près 10 000 fils pour chacun des fils de Jacob. Sans compter, ça fait du monde. Des gros soupers de famille. Fait que, sans compter que je regardais, puis en fait, selon, j'ai différentes sources, là, mais dans la Grèce ancienne, on parle d'une mortalité infantile d'à peu près 20 %. 50 % n'atteignent pas l'âge de 10 ans. Et selon, j'ai trouvé une source, là, un chercheur en archéologie qui dit, donc 43-52 % des enfants qui mouraient avant leur première année à cette époque-là. Fait que ça veut dire que, disons que c'est un miracle en soi de passer de 70 à 600 000 personnes. Sans Dieu, à l'époque, c'était pas vraiment faisable. Bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je voulais juste le mentionner. C'est quand même important parce que ce passage-là met la table pour ce qui s'en vient. Exode 13, Christian, on va faire ça quelque part comme l'année prochaine, je pense, selon le calendrier. Cette année, OK, c'est bon. Donc, en fait, je reviens, puis je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mais je reviens au bout du texte, qui est le point, en fait, qui est l'exemple tangible que j'aimerais vous partager, puis qui, pour moi, est vraiment venu me chercher dans la préparation. En fait, on voit là-dedans une certaine fragilité dans le cœur de Jacob. Mais qui n'est pas fragile à quelque part? Tu sais, Jacob, là, son père s'est fait promettre que sa descendance va être innombrable. Abraham, sa femme était stérile, s'est fait promettre la même chose. C'est une descendance de promesses grandioses. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais ta descendance va être plus... Non, mais qui dit une descendance qui est plus nombreuse que les étoiles, qui est plus nombreuse que la poussière de la terre, dit aussi une prospérité qui va avec. Il dit aussi que c'est glorieux, c'est grandiose, c'est un miracle. Donc, Jacob ici reste froid, mais se ranime. Et là, c'est là que c'est après ça qu'il va vraiment faire un pas. Israël partit, fait un pas de foi, offre des sacrifices à Dieu, et là, Dieu lui parle et lui restaure, lui recite, lui redit ses promesses. Promesses qu'il lui a faites, déjà. Fait qu'en fait, c'est ce point-là ce matin que j'aimerais approfondir avec vous. Qui ici n'a pas vécu des épreuves? Qui n'a pas été affligé comme Jacob qui a été affligé? Est-ce que ces épreuves-là, est-ce que ces afflictions-là, ça produit pas un peu le même effet que pour Jacob? Ça refroidit notre cœur. C'est ce point-là, en fait, que j'aimerais approfondir. En fait, ici, je vois que Jacob est un exemple tangible dans ce qu'il vit, dans Genèse 46, est un exemple tangible qui démontre que Dieu vous fait la même promesse ou les mêmes promesses infaillibles de vous restaurer et de vous faire revivre sa joie, la joie de Dieu. Même dans le désert, la traversée de désert que la vie peut représenter dans la disette, dans la douleur, dans le deuil, dans la peine, dans la difficulté, dans la dépression, le découragement, la famine. Ça s'applique totalement, l'exemple tangible de Jacob, ici, ça s'applique totalement à ce qu'on peut vivre, à ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Et donc, pour creuser dans ce point-là, qui est une petite portion du texte, mais qui, à mon sens, est vraiment fondamental, je vous propose qu'on retrace la promesse du début, qu'on y aille comme par bloc, par étape. On va repartir de la promesse initiale qui avait été faite à Abraham. On va partir après ça la portion de la vie d'Isaac dans la même promesse. Et on va revenir sur Jacob. Fait que, dans le fond, c'est le même point ou c'est le même exemple, c'est l'exemple de la vie de Jacob qui nous témoigne quelque chose. Mais on va retracer ça une petite étape à la fois. Avant de partir de la promesse initiale, je tiens quand même à établir un fait important. Dieu est constant. Bon, pour ceux qui l'avez expérimenté dans votre vie, on en a l'expérience personnelle, mais supposons qu'on dirait, ouais, mais comment on peut établir ça que Dieu est constant, Dieu est fidèle, comme la chanson de tantôt. En fait, dans Nombre 23, 19, la parole de Dieu nous dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » On peut regarder dans Deutéronome, 32.4. Il est un rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. il est juste et droit. Malachie 3:6, Dieu dit lui-même, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc sur cette base-là, la promesse n'a jamais changé. Dieu n'a pas changé d'idée. Donc si on retrace, qu'on repart, en fait c'est la même histoire ou c'est la même continuité de promesses, mais on retrace ça depuis Genèse 12 qu'on a lu ensemble ici. Donc Genèse 12, 1 à 3, on est dans la vie d'Abraham, donc Jacob n'est pas encore né. L'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Un petit peu plus tard, donc dans Genèse 15, chapitre 13, Dieu explique davantage. C'est important parce que c'est exactement ça qui est en train de se réaliser dans Genèse 46. Donc Genèse 15, 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » C'est important, là, c'est exactement ça qui est en train de se réaliser. Verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Tout ça va se réaliser dans Exode. Puis en fait, je réfléchissais à ça puis je me disais, c'est facile de dire, de garder cet exemple-là, l'exemple tangible de la vie de Jacob, de le garder un peu loin de nous. De dire, ouais, mais moi, Dieu ne m'a pas dit que j'allais avoir une multitude de descendance. Tu sais, ça ne s'applique pas vraiment à moi. Mais en fait, Dieu nous fait aussi des promesses personnelles. Chacun d'entre nous, chacun de vous, Dieu vous a fait une promesse personnelle. Et comment on peut transposer ça? En fait, ce qui m'a donné le pont, c'est dans 1 Corinthiens 9, il est dit, « Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, Dieu nous appelle à vivre en communion dans notre vie avec Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous promet? C'est textuellement, je vous amène à prendre le passage dans Jean 16, 19. Parce que Jésus a tout accompli. Il nous l'a dit, dans le fond, qu'est-ce qui est la finalité? C'est quoi la promesse qu'il nous fait personnellement à chacun d'entre nous qui lui donnons notre vie? Donc, Jean 16, verset 19. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit, donc Jésus est avec des gens qui veulent l'interroger, il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Donc, Jacob est dans l'affliction. On peut être dans l'affliction. On est souvent dans l'affliction. Mais Jésus nous dit, « Votre tristesse se changera en joie. » Est-ce que je lis plus loin ou est-ce que je m'arrête là? Ouais, je peux lire plus loin. « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. » En fait, c'est l'exemple de la femme qui accouche. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Donc, à quelque part, il y a une promesse individuelle, tout comme Jacob avait une promesse, il y a une promesse individuelle qui nous est faite par Jésus. Et Dieu nous demande, dans 1 Corinthiens, d'être en communion avec Jésus. Donc, en communion dans cet état d'esprit-là, dans cette promesse-là. Donc, par rapport à la promesse initiale qui a été faite à Abraham et qui a été maintenu auprès d'Isaac et de Jacob, Dieu étant constant, tout va s'accomplir. C'est vrai aussi dans votre vie, par rapport à ce que la parole nous dit et ce que Jésus nous dit. On garde ça en tête, puis on continue un peu dans l'histoire. On va se rendre là, jusqu'à Genèse 46, puis jusqu'à la promesse qui est faite encore une fois. Mais il y a eu d'autres moments qui ont été dans la vie des patriarches, hein, dans la vie des pères de Jacob. Il y a eu d'autres moments. Si on prend en particulier ce passage-là, donc la suite de la promesse de Dieu, dans Genèse 26, 1 à 6 en particulier, mais Isaac est dans la famine. Donc, il y a déjà eu une famine, en fait. Donc, Jacob, dans son temps, est dans la famine. Rien ne va plus. Mais il y en a déjà eu une. Isaac, OK, Dieu lui dit que ce n'est pas le temps de descendre en Égypte. Donc, Genèse 26, 1 à 6, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Donc, ici, on comprend que Isaac peut être tenté d'aller en Égypte, mais ce n'est pas le temps. C'est le temps plus tard, dans la vie de Jacob. Parce que Joseph n'avait pas été envoyé pour préparer le terrain. En fait, on peut imaginer que Abraham et Isaac, on ne le sait pas, la parole de Dieu ne nous dit pas, Jacob s'est fait coacher par son père et son grand-père qui lui ont tout expliqué. La parole ne dit pas ça, mais on sait qu'à l'époque, ils n'ont pas des écrits comme nous. Donc, ça passe par des enseignements par voie orale. Là. Ils s'enseignent les uns les autres. Et donc, Jacob sait cette situation-là, ou du moins, ça fait partie de son expérience. Et donc, ce que ça soulève comme point, selon moi, cette étape-là, si on veut, de la promesse, c'est que la notion de « en son temps », dans le temps de Dieu, est vraiment important. Et aussi, donc, un apprentissage applicable à nos vies. Si on prend 2 Pierre 3, par exemple, 2 Pierre 3, 8, « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. » Donc, en fait, c'est dans le temps de Dieu, mais au regard de considérations qui nous dépassent. On ne voit pas nécessairement pourquoi c'est long à nos yeux. Parce que c'est long à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, tout est dans son temps. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. C'est beaucoup 1000 ans. Et puis donc, ça nous fait réfléchir à la patience. Le passage que je viens de vous lire, il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous. Mais vous, êtes-vous patient? Pas facile. Mais Jacques 1, 2 nous dit, on l'a souvent lu ce passage-là, là, mais je vous le relis. Il nous dit qu'est-ce que ça fait la patience? « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » Donc, la patience est un cheminement. Dans l'exemple que Jacob nous donne, l'exemple concret, c'est juste une question de temps. Jacob est passé à travers 22 années de deuil en pensant que Joseph était mort. Ça le refroidit son cœur. Mais Dieu vient le restaurer, vient le rattacher à la promesse initiale, le ramène là d'où on est parti depuis 22 ans, et puis l'amène dans son plan. En fait, ça ne fait pas 22 ans qu'il ne se passait rien. Ça fait 22 ans qu'il se passait plein d'affaires. Joseph était dans toutes sortes de situations. On l'a lu dans les passages. Était dans toutes sortes de situations qui préparaient le terrain. Gloire à Dieu. Qui Joseph d'esclave à esclave prisonnier à finalement bras droit de Pharaon qui prépare tout le terrain, qui va glorifier Dieu dans chacune de ses actions. Et donc, tout ça prépare le terrain pour le plan de Dieu. Mais Jacob ne le voyait pas. Non seulement il ne le voyait pas, il pensait que Joseph était mort. Donc, si on en arrive finalement à Jacob, même promesse, mais dans la continuité, on se rappelle, pour l'avoir lu, bien, ça fait quand même quelques semaines, mais pour l'avoir lu ensemble, mais je suis assez certain que vous vous en rappelez, là, le premier songe, l'échelle, là, la fameuse échelle, le premier songe que Jacob a lui personnellement, ou du moins qui est mentionné dans les Écritures, dans Genèse 28, 13, Dieu se présente à Jacob dans ce songe, dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Donc au début, c'est vraiment la formulation « Je suis le Dieu de ton père. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc, il est dans le pays de Canaan. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Encore la même promesse. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu, durant la vie de Jacob, vient souvent le rassurer, vient lui donner courage, force, vient le chercher, puis vient le rassurer dans ce qu'il vit. Et donc, si on regarde, donc Dieu qui promet encore dans Genèse 35, 9 à 15, en fait, je ne le lirai pas en particulier, mais Dieu lui redit, le rassure, et lui donne un nom nouveau, le nom d'Israël. Dans Genèse 35. Toujours en considérant que Dieu est constant, Dieu est le même, Dieu est fidèle, tout ça, c'est dans la continuité. Mais cet événement-là de Genèse 28 est arrivé il y a à peu près 60 ans, parce que si on compte que c'est arrivé au début de son voyage vers Laban, là où il est allé vivre chez Laban, et il est resté 20 ans chez Laban, ensuite, Joseph avait 17 ans quand il a été vendu, qui s'est retrouvé en Égypte. Puis, 22 ans plus tard, en Égypte, Jacob et tout le monde traversent. Donc, 20 plus 17 plus 22, à peu près 60 ans. C'est long, 60 ans. On parlait de 1000 ans tantôt, là, mais même 60 ans, c'est long. Vous étiez où il y a 60 ans? Tu regardes les plus jeunes, là. Moi, je veux pas... Non. Je ne veux pas me faire chicaner. Fait que c'est long, 60 ans. C'est vraiment long, 60 ans. Puis, Joseph, il était cher au cœur de Jacob. Puis là, ça fait 60 ans. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'à quelque part, Jacob s'est laissé refroidir. Même, il connaît la promesse. Il connaît la fidélité de Dieu. Il l'a expérimenté dans tout, dans sa vie. Mais ça y fait de la peine. Il vit un deuil. Puis ça, c'est venu refroidir son cœur. Mais ça arrive à tout le monde. Malgré toutes ses promesses, Jacob, son cœur est refroidi. Il porte le deuil de Joseph depuis 22 ans. Il porte le deuil de Rachel. On va l'apprendre dans Genèse 47 que Rachel est décédée à ce moment-là. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais il y a quelques années. Donc, il porte le deuil de Rachel, puis on sait à quel point il aimait Rachel. La parole de Dieu nous en parle. Il y a une situation familiale difficile, des divisions entre les frères qui ont menti. Puis menti sur quelque chose de, on s'entend, très grave, un péché important. Ils ont vendu Joseph, tu sais, en faisant croire qu'il avait été mangé par une bête. Puis en plus, à ne pas oublier, ils sont dans une famine très grave. Jacob est responsable de 70 personnes. Bon, 66 parce que Joseph est en Égypte. Responsable de 66 personnes. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais une perte d'emploi, une famine, des problèmes d'approvisionnement, de nourriture, etc. Moi, avec ma famille de 4, je paniquerais un peu. Il y en a 66. Fait que ça va pas bien dans les circonstances. Et donc, le cœur de Jacob s'est refroidi. Le plus important, c'est la restauration. Job vit quelque chose de similaire dans la parole de Dieu. Je n'irai pas dans Job parce que là, on pourrait aller vers toute une autre histoire, mais Job vit quelque chose de similaire. Dans Job 1, 20, là, après que Job a perdu ses troupeaux, ses richesses, ses enfants, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » C'est là que Job dit, « L'Éternel donne, l'Éternel reprend. » Donc, en fait, à travers ces circonstances-là, qui nous arrivent tous, hein, qui ici n'a pas vécu de deuil, perdu quelqu'un de proche, de cher? Qui ici n'a pas été aux prises avec des divisions familiales? Moi, je pense juste autour de moi, il y a beaucoup de chicanes dans les familles, des conflits, des chicanes entre les personnes qu'on aime, même en église maison, on en voit de toutes les couleurs. Mais on est proche. Quand on est proche, là, c'est comme une tortue que t'enlèves la carapace. Là. La moindre affaire vient. Parce qu'on garde notre carapace dans le monde. On veut se garder contre les blessures. Mais en réalité, quand on est proche, ça vient nous toucher. Fait qu'on a envie des chicanes. Qui n'a pas vécu des difficultés, des découragements? Même les jeunes à l'école, là, des mauvais résultats qui vous découragent, de la peine, de la tristesse, de la dépression, des manques importants dans la vie, comme je disais tout à l'heure, là, la famine, la perte d'un emploi, des difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jacob, ici, nous fournit fort probablement un exemple qu'on peut appliquer à notre vie à travers son cheminement et son expérience personnelle. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire comme la dame, là, faire un plan de match, prendre des actions concrètes pour sortir du labyrinthe, hein, trouver le bon chemin, résoudre le problème, prendre action, prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Rien. La réponse est rien. Pas tout à fait rien. Mais la réponse est que les choses, tout est accompli en Dieu. Il nous a fait une promesse qu'il va absolument accomplir. Même si 22 ans d'affliction, de deuil passent dans votre vie, même si 60 ans s'accomplissent sans que la promesse que Dieu vous a faite, vous la viviez, ça va s'accomplir. Dieu est totalement constant. Sauf qu'on peut quand même prendre une certaine action. On voit que le labyrinthe, hein? Non, moi, j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas dans le labyrinthe. Je regarde à la promesse. Je regarde directement à ce que Dieu m'a dit qu'il allait faire. Et je le loue pour cette promesse extraordinaire et la vie éternelle qu'il nous a donnée grâce à Jésus-Christ. Dieu vous a envoyé le moyen de sauvetage, Jésus. Si vous donnez votre vie à Christ, et je vous invite de tout cœur à le faire et à le refaire et à le refaire et à le reconfirmer. Jésus, je te donne ma vie. Dieu crée un lien unique avec vous, un lien personnel, un lien dans votre cœur avec son esprit qu'il nous donne pour nous guider. Dieu n'a pas besoin de vous envoyer un songe. Jésus, votre sauveur, vous a déjà dit Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse ne changera point. Fait que quand vous vivez ce genre de sentiment-là qui vous habite, c'est là-dessus qu'on regarde. Puis la parole de Dieu confirme qu'un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, c'est juste une question de temps. On est convaincu de la finalité. Soyons patients, parce que c'est juste une question de temps. Et donc, si on conclut avec la fin du psaume, je vous l'avais promis au début, on va suivre ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Fait que si on reprend le psaume 30, puis là, on va le finir. Donc, je reprends, on était rendu, on avait lu 1 à 4, donc je reprends à 5. Qu'est-ce qu'on a à faire? Psaume 30 nous le dit. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière est-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Fait que je prie Dieu que si vous êtes dans l'affliction, peu importe quand vous êtes dans l'affliction, que Dieu vous donne le cœur de le louer, comme le psaume 30 nous le dit. Bonne semaine.